Que de fois j'ai contemplé, souriant et attendri, tous ces philosophes à quatre pattes, esclaves complaisants, soumis ou dévoués, que le dictionnaire républicain pourrait aussi bien qualifier d'officieux, si la République, trop occupée du bonheur des hommes, avait le temps de ménager l'honneur des chiens. Et que de fois j'ai pensé qu'il y avait peut-être quelque part, qui sait, après tout, pour récompenser tant de courage, tant de patience et de lambeur, un paradis spécial pour les bons chiens, les pauvres chiens, les chiens crottés et désolés. Swedenborg affirme bien qu'il y en a un pour les Turcs et un pour les Hollandais. Les bergers de Virgile et Théocrite attendaient, pour prix de leurs chances alternées, un bon fromage, une flûte du meilleur faiseur, ou une chèvre aux mamelles gonflées. Le poète qui a chanté les pauvres chiens a reçu pour récompense un beau gilet, d'une couleur à la fois riche et fanée, qui fait penser au soleil d'automne, à la beauté des femmes mûres et aux étés de la Saint-Martin. Aucun de ceux qui étaient présents dans la taverne de la rue Villa Hermosa n'oubliera avec quelle pétulance le peintre s'est dépouillé de son gilet en faveur du poète, tant il a bien compris qu'il était bon et honnête de chanter les pauvres chiens. Tel un magnifique tyran italien du bon temps offrait au divin arrêtait soit une dague enrichie de pierreries, soit un manteau de cour en échange d'un précieux sonnet ou d'un curieux poème satirique. Et toutes les fois que le poète endosse le gilet du peintre, il est contraint de penser aux bons chiens, aux chiens philosophes, aux étés de la Saint-Martin et à la beauté des femmes très mûres.